Le félin géant. À l'arrivée devant la caverne, Aoun et les femmes avaient à peine 2000 coudées d'avance. Il grimpa le premier avec Outch jusqu'à la plateforme pour organiser l'escalade. Puis, successivement, les autres arrivèrent. On hissa d'abord les enfants. Les femmes suivirent. Les trois dernières étaient encore à mi-hauteur lorsque les homodoles lancèrent des pierres aiguës. Elles rebondissaient sur le roc. Aoun brandit sa dernière sagaie. Outre et ses compagnes jetèrent des cailloux. Trop au nombreux encore pour tenter l'assaut, les Chéléens se retirèrent à l'abri des projectiles, et quand l'arrière-garde survint, les louves occupaient la caverne. Elle était inexpugnable. Un homme ou une femme à la fois pouvait atteindre la plateforme. Il fallait ensuite grimper sur les épaules d'un compagnon. Un ou deux coups d'épieu défiraient chaque tentative. Les Chéléens le comprirent. Ils épiaient la chaîne basaltique dans l'espoir de trouver une voie parallèle. Tout autour de la caverne, la muraille se décela infranchissable. Peu importe au dôle, il suffira d'attendre. La faim, la soif livreront les assiégés. Là-bas, au défilé, ils ont pu fuir et traverser le fleuve. Ici, le jour de la sortie sera le jour de la mort. Que peuvent 11 femmes et 2 hommes contre 20 guerriers pleins de force? Lorsque les femmes s'en sauvent, Aoun place 2 guetteuses sur la plateforme et défend qu'on le suive. Puis, ayant allumé un brandon, il descend vers la caverne profonde. L'inquiétude tenaille sa chair. Il croit impossible que le félin géant n'ait pas reconnu Zour, et toutefois il doute. À mi-chemin, un grondement hâte sa course. La fissure est là, où si souvent il est venu épier la bête. Et soudain, sa poitrine s'élargit. Il a vu Zour auprès du carnivore, et 2 yeux énormes phosphores, tandis qu'un souffle haletant accueille l'Oulam. Le lion des rocs est toujours l'allié du fils de la terre et du fils de l'Urus, dit le roi. C'est un moment de joie sourde et de vaste espérance. Les hommes d'Aule n'ont pas suivi la piste de Zour? Ils ne l'ont pas vu se séparer des autres. Zour s'était caché parmi les blocs. Après avoir longuement flairé Aoun, le félin géant s'était recouché et commençait à se rendormir. Aoun reprit. Zour ne sortira que la nuit avec le tigre d'Exam. Il ne fera rien contre les hommes d'Aule avant qu'Aoun ne soit redevenu fort. Pendant le jour, Zour ne s'éloignera de la caverne que jusqu'à la mare. La mare est proche. Aoun et les femmes auront besoin d'eau. Aoun soupira. Il vit la mare, le fleuve, les sources. La soif le harcelait, exalté par sa blessure. Il ne put s'empêcher de dire. La soif brûle Aoun, mais il attendra jusqu'au soir. « La mare est proche, » répéta Zour. « Pour qu'Aoun guérisse et puisse combattre, il doit boire. J'irai jusqu'à la mare. » Il se dirigea vers l'entrée du repère. Le félin entr'ouvrit les yeux, mais à peine, car il ne flairait rien d'insolite. Zour se glissa jusqu'à la mare. La configuration du site le rendait invisible à distance. Il but d'abord, puis il plongea dans l'eau une outre rudimentaire, faite avec la peau d'un axis et fixée dans sa partie supérieure avec des épines. Elle contenait assez de liquide pour étancher la soif de plusieurs hommes. Zour la remplit et regagna la tanière. Aoun but à long trait l'eau vivante, qui ramenait l'énergie, la fraîcheur et la confiance. « Outch aussi est blessé, dit-il, les autres boiront cette nuit. » Il emporta l'outre dans la caverne haute, mais quand Outch eut bu, il donna aussi de l'eau à Jéa. Il dormit jusqu'au soir, et dans ce sommeil, sa force et sa jeunesse travaillèrent. La fièvre décrut. Les chairs, qui n'attendaient que le repos, se ressoudèrent au bord de la plaie. Quand le crépuscule fut mort sur les jungles, il se leva pour épier les Chéléens. Ils avaient allumé un grand feu. Les visages épais se tournaient vers la chaîne de basalte. On y devinait la volonté opiniâtre de vaincre et de détruire. Une grande angoisse étreignait les femmes. Harassées par la longue poursuite, elles aussi avaient dormi. Bien plus que la faim, la soif les éveillait. Toutes tournaient vers l'Oulam des yeux de détresse et songeaient à l'eau qu'il avait apportée dans la peau de cerf, mais dont seuls Ouch et Jéa avaient eu leur part. La confiance des faibles dans le fort alternait avec la crainte. Ouch le demanda. « Où est allé Zour ?» Le fils de l'Urus répondit. « Zour nous donnera de la chair et de l'eau avant la nuit. » « Pourquoi n'est-il pas avec nous ?»« Outre le sera plus tard. » Il ajouta, voyant que la femme chef se tournait vers les ténèbres. Aoun seul descendra au fond de la caverne, sinon nous aurons faim et soif. » Le mystère excita les mentalités obscures, puis elles se résignèrent. Il suffisait qu'Aoun eût donné de l'espoir. Toutes les louves, connaissant les temps de disette et d'aridité, toutes et les enfants même, avaient enduré les longues privations et les attentes farouches. Les astres tournèrent dans l'éternité. Les hommes d'Aoul dormaient. La plupart des femmes aussi s'étaient rendormies. Aoun même reposait. Vers le milieu de la nuit, un appel monta de l'abîme et réveilla l'Oulamre. Il alluma un brandon et descendit. Le félin géant Eloa avait terminé la chasse. La carcasse d'un énorme Rucervus gisait dans le repaire. Déjà, l'homme sans épaule avait détaché une cuisse, qui glissa par la fissure. Puis il alla puiser une première outre d'eau. Lorsque Aoun reparut avec la chair et l'outre, il y eut un frémissement parmi les femmes et un confus éveil de fétichisme. La caverne contenait encore quelques branches abandonnées par les deux compagnons avant leur exode. Aoun, après être redescendu pour chercher de l'eau, alluma le foyer et fit cuire la chair du cervidé. C'était un défi et une imprudence. Les veilleurs chéléens avertirent le chef qui se dressa, stupéfait. L'événement était trop complexe. Le chef devina qu'il y avait du bois dans la caverne, mais il crut que la chair venait d'une bête tuée pendant la poursuite. S'il y avait eu de seconde issue, les fugitifs s'en seraient servis pour fuir. Néanmoins, il envoya des guerriers de l'autre côté de la chaîne basaltique. Ils contournèrent l'éperon méridional et, à la clarté de la lune, s'efforcèrent de discerner les crevasses et les cavernes. Rien que des fissures étroites, des replis et quelques abris sous des roches surplombantes. La coulée par Ouzour avait échappé au lion les arrêta quelque temps. Quand ils l'eurent dépassé, ils distinguèrent un antre ténébreux. Une odeur forte flottait dans la nuit. Les guerriers connurent qu'un fauve était proche et firent halte. Leurs propres émanations se répandirent jusqu'au repaire. Une forme massive s'avança, un rugissement ébranla l'atmosphère et les nomades épouvantés s'enfuirent éperdument, ayant reconnu le plus redoutable des carnivores. Le chef demeura persuadé qu'aucune autre issue n'était ouverte aux assiégés que celle que surveillaient ses guerriers. S'il avait pu avoir un doute, il se dissipa les jours suivants, car Aoun et les femmes se montraient régulièrement sur la plateforme, donc la fuite était impossible. Il suffira d'attendre et de veiller. Il attendait l'heure du massacre. La guérison de l'Oulamre fut rapide. Son sang ardent réparait la blessure. La fièvre avait disparu. Et il apprenait aux femmes à mieux tailler les pierres qui leur servaient d'armes de jet. En bas, Zour continuait à pourvoir les réfugiés de chair et d'eau. Il accoutumait le félin géant à le suivre. La bête, obscurément consciente des ruses salutaires de l'homme, consentait à être guidée. Zour prévoyait ses impulsions et devinait ses actes selon les circonstances. Il percevait les nuances de son humeur et s'y conformait avec tant de souplesse que le fauve s'attachait plus sûrement au oua qu'il ne se fût attaché à un animal de sa propre espèce. La huitième nuit, Aoun étant descendu pour prendre la proie, dit « La blessure est refermée. Le fils de l'Urus peut maintenant combattre les hommes d'Aoul. La nuit prochaine, Zour amènera le tigre d'Exam de l'autre côté des roches. » Le oua demeura quelque temps silencieux. Puis il répliqua « Voici. Zour a senti ce matin qu'une pierre de la fissure tremble. Si nous pouvions l'arracher, l'ouverture serait assez large pour laisser passer un homme et trop étroite pour le lion des rocs. » Il posait sa main sur la saillie la plus basse et la secouant, il lui imprimait une oscillation, d'abord imperceptible, mais qui s'accusait à mesure. Aoun, plein d'admiration, joignit son effort à celui du oua. Son bras musculeux fit basculer la pierre. Alors il tira de toute sa force, tandis que Zour poussait des deux mains. Un fragment se détacha, puis deux autres. L'Oulamre les rejeta derrière lui, et s'aplatissant sur le sol, il pénétra dans le repaire. Le félin géant, impatienté par cette agitation, avait cessé de dévorer la proie. Il bondit presque menaçant. Tout de suite, une caresse de Zour l'apaisa, et il flaira Aoun amicalement. « Nous pourrons surprendre les hommes d'Aoul, » s'écria l'Oulamre. Le oua montra vers l'entrée de la caverne une dizaine de sagaies qu'il avait taillé pendant les longs jours solitaires. « Nous combattrons à distance. » Le jour suivant, Aoun et Zour taillèrent encore des sagaies. en sorte que le nombre total s'élevait à 14. Au crépuscule, Loulam avertit Ouchk et les compagnes. Aoun et Zour combattront cette nuit les hommes d'Aul, que les femmes louves se tiennent prêtes. Ouchk écoutait avec étonnement. Comment Aoun et Zour se rejoindront-ils? Il se mit à rire. Nous avons élargi le passage entre deux cavernes. Nous passerons de l'autre côté des rocs et nous attaquerons les hommes d'Aul avec notre allié. Aoun et Zour ont donc un allié? Ils ont fait alliance avec le tigre d'Exam. Ouchk écoutait, stupéfaite, parce que son âme était simple. Elle ne chercha pas longtemps à comprendre. La confiance qu'elle avait dans le grand Oulam était plus forte que toute surprise. Le guerrier reprit. Les femmes ne devront pas descendre dans la plaine avant l'appel d'Aoun. Le tigre d'Exam les déchirerait. Jéa, plus émerveillée que les autres femmes, tournait vers Aoun des yeux brillants de curiosité. Le tigre ne peut-il passer d'une caverne à l'autre? Demanda-t-elle. L'entrée est trop petite pour lui. L'immense illusion commençait à pâlir dans les nuages. On voyait palpiter une étoile claire. Aoun redescendit vers la caverne inférieure. Le feu des Chéléens ne répandait plus qu'une lueur imprécise. Trois hommes, cependant, veillaient encore. Les autres étaient couchés dans une enceinte rocheuse qui les mettait à l'abri des surprises. Deux des guetteurs somnolaient. Le troisième, selon les ordres du chef, rôdait autour du feu et levait souvent les yeux vers la caverne. Le Chéléen venait de jeter quelques menues branches parmi les braises lorsque, se relevant, il aperçut une silhouette sur la plateforme. C'était une femme. Elle se penchait au bord des roches, elle épiait. Le guerrier tendit vers elle sa main armée de l'épieu et ricana silencieusement. Mais le ricanement s'effaça tout de suite. Au bas de la chaîne basaltique, une autre forme venait de surgir, dont il était impossible de méconnaître la haute taille et la vaste poitrine. L'homme d'Aul la considéra quelque temps interdit, et se demandant comment l'autre avait pu et oser descendre dans la plaine. Il appela les autres veilleurs, et tous trois, brandissant leurs armes, poussèrent le cri d'alarme. Cependant, Aoun se détachait des rocs. Il approcha hardiment du feu, et quand il fut à portée, il lança une pierre aiguë. Elle atteignit un des veilleurs à la tête et lui fit une blessure légère, car Loulam l'avait jeté trop loin. Une deuxième pierre écorcha l'épaule d'un autre guerrier. Des vociférations retentirent et de toutes parts des silhouettes surgissaient de l'enceinte rocheuse. Alors, développant sa puissante stature, Aoun répondit par le cri de guerre. Il y eut une courte pause, pendant laquelle les Chéléens considéraient alternativement Loulam et le site. Là-haut, deux autres femmes venaient de rejoindre la première. Dans la plaine, on apercevait Kaoun, sans autres armes que sa massue et quelques pierres. Effaré, le chef d'Aul cherchait à comprendre. D'obscures méfiances se mêlaient à la certitude que Loulam était seul. L'instinct de guerre l'emporta. Une voix gutturale donna l'ordre d'attaquer et ce fut la ruée. 20 structures agiles convergèrent vers le fils de Lurus. Il jeta une dernière pierre et se mit à fuir. Sa vitesse semblait diminuer. Les plus véloces des chasseurs gagnaient du terrain, et les autres, exaltés par l'imminence de la capture, suivaient à grande vitesse. Par instant, on eût dit que Loulam trébuchait. Parfois aussi, il semblait faire un grand effort et reprenait une avance vite reperdue. Le chef n'était qu'à 30 coudées du fugitif lorsqu'on approcha de l'éperon qui terminait la chaîne basaltique. Les Chéléens eurent l'air de triomphe. Aoun, avec une sorte de plainte, obliqua et se réfugia dans les roches. Elles formaient une série de couloirs qui tous se terminaient au midi dans une passe plus large. Le chef s'arrêta, jeta un coup d'œil rapide sur l'ambiance et commanda à plusieurs guerriers de barrer l'issue, tandis qu'il lançait 8 hommes à la poursuite directe. Un rire farouche retentit, puis un rugissement, et l'on vit un corps énorme retomber parmi les roches. Déjà le filin géant était sur les Chéléens. 3 hommes roulèrent éventrés, un quatrième retomba, la gorge béante, mais Aoun et Zour avaient gravi une roche plate. Les propulseurs tournoyèrent, les sagaies s'enfonçaient dans les poitrines, perçaient les cuisses et les épaules, tandis que le carnivore, émergeant des défilés, broyait un fuyard et en déchirait un autre. La panique emportait les hommes d'Aul. Dans leurs cervelles opaques, un mystère vertigineux se mêlait à l'horreur de la mort. Le chef même fuyait. Toute son agilité était revenue à Loulam. En bond de léopard, il rejoignit l'arrière-garde, et la massue sonna sur les crânes durs. Quand les Chiléens rejoignirent leur enceinte de roche, ils n'étaient plus que 8. Les autres gisaient dans l'herbe, morts ou incapables de participer à la lutte. « Que Zur arrête le tigre d'Exam ? » s'écria Aoun. Abrités dans leur fort, les vaincus devenaient redoutables. Le désespoir était en eux. Leurs épieux, à travers les crénelures, auraient pu éventrer le fauve. Celui-ci se laissa retenir sans peine. Il voyait partout les proies éparses. Tranquille, il saisit une carcasse dans ses mâchoires et prit la route du repère. L'incertitude immobilisa pendant quelque temps le fils de Lurus, puis il dit « Zur accompagnera le tigre d'Exam. Il reviendra par la caverne haute et dira aux femmes de se tenir prêtes. » Le oua et le félin géant disparurent derrière les roches. Aoun se mit à ramasser les sagaies ou à les retirer des blessures, puis il revint lentement vers les Chéléens. Il les apercevait à travers les interstices de leur enceinte. Il aurait pu en atteindre plusieurs, mais l'âme de Nao était en lui, pleine de pitiés obscures. Pourquoi les dos l'ont-ils attaqué les hommes velus? Pourquoi ont-ils voulu tuer Aoun et les femmes louves? Sa voix retentissante avait des inflexions tristes. Les Chéléens l'écoutaient en silence. Un moment, le chef à la poitrine profonde surgit entre deux blocs et fit un geste d'attaque. Loulabre éleva son propulseur et reprit. Aoun est plus fort et plus rapide que le chef d'Aul, et il peut le tuer à distance. Là-haut, les femmes élevaient des clameurs triomphales. Elles avaient vu les péripéties de la lutte, l'apparition extraordinaire de la bête, et leurs âmes s'emplissaient d'une confiance mystique. Jéa descendit la première, puis Ouch, puis les autres, sauf une qui devait garder la caverne. Elles s'assemblaient autour d'Aoun. Elles épiaient l'enceinte avec une ardeur sombre, et se souvenant de leur souffrance, elles injuriaient les Chéléens. Eux gardaient le silence, mais rudes et résolus, ils tenaient prêts leurs longs épieux. La position était inexpugnable. Sans la présence d'Aoun, ils eussent été les plus forts. Hors Ouch, aucune des femmes n'aurait résisté au choc, elles le savaient. Malgré leur haine, elles rôdaient avec prudence. Cependant, rapprochées du feu, elles prenaient plaisir à y jeter des branches, des broussailles et des herbes. Il se ranima, il bondit magnifiquement sur la savane. De toutes parts, les femmes apportaient du bois. Plusieurs criaient. « Les hommes d'Aul n'osent pas combattre, ils mourront de faim et de soif. » À mesure que les constellations tournaient au septentrion ou se levaient à l'orient, l'inquiétude et la patience se mirent à croître. Les assiégés parurent plus formidables. On craignait leurs pièges. Aucune femme n'osait dormir. Aoun et Zur même concevaient la nécessité de combattre. Le oua dit « Il faut forcer les hommes d'Aul à quitter leur refuge. » À force d'y songer, une idée lui était venue. « Ils ne résisteront pas au feu. Aoun, Zur et les femmes leur lanceront des tisons enflammés, » reprit-il. Loulambre poussa une exclamation d'enthousiasme. Tous deux se mirent à tailler des rameaux dont ils exposaient la pointe à la flamme. Ensuite, ils appelèrent les femmes, et le oua, ayant expliqué son stratagème, toutes saisirent les tisons et se précipitèrent vers l'enceinte. Une pluie de feu s'abattit sur les Chiléens. Ils résistèrent d'abord, mais la crainte et la fureur s'enflaient dans leur poitrine. La fumée les suffoquait, les brûlures leur donnaient le vertige. Peu à peu, tout péril parut préférable à celui qui menaçait de les anéantir sans combattre. La masse trapue du chef se dressa sur un bloc. Il poussa un hurlement rauque, et lorsqu'il se précipita, 7 guerriers bondirent à sa suite. Sur un ordre d'Aoun, les femmes battirent en retraite. Deux fois, les propulseurs tournoyèrent, et 2 hommes d'Aoul s'abattirent. Des 6 qui restaient, 5 chargèrent le groupe des femmes et du oua. Le 6e fonça sur Aoun, qui se tenait à l'écart. Le fils de Lurus lança une nouvelle sagaie, qui effleura une épaule, puis déployant sa belle stature, il l'attendit. Il aurait pu fuir, lasser l'adversaire. Il préféra la lutte. Celui qui venait, c'était le chef aux grandes épaules, à la tête de granit. Il dardait les pieux ainsi qu'une corne immense. L'arme rencontra la massue, fléchit et s'est de rebat. Revint en foudre. La poitrine de Daoun saigna, mais la massue à son tour fit craquer les os du chef. Il tomba sur les genoux en lâchant les pieux. Dans la résignation des fauves vaincus, sachant que la fin était venue, Aoun avait relevé la massue et ne l'abaissa point. Un dégoût étrange contractait sa poitrine. Cette pitié qui était sa faiblesse et la faiblesse de Nao. Là-bas, 2 femmes gisaient sur l'herbe, mais les sagaies de Zur et les épieux avaient fait leur œuvre. Trois Chéléens hurlaient, que les louves achevaient. Le quatrième, le plus jeune, fou d'épouvante, fuyait vers Aoun. Quand il se vit devant la massue énorme, ses muscles défaillirent. Il tomba prosterné. Les femmes accouraient pour l'immoler. Le fils de Lerus, étendant le bras, clamait « Sa vie est aux mains d'Aoun !» Elles s'arrêtèrent, la haine crispa leur visage, puis entendant gémir les blessés de la première rencontre, elles allèrent leur porter les coups fatals. Sombre, Aoun écoutait les cris d'agonie. Il se réjouit et obscurément de voir que Djia ne suivait pas ses compagnes.